Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Marin, une série documentaire d'Arnaud Contreras réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a un documentariste à l'Oedipe maritime, un penchant pour le bord de mer et quelques clichés qu'on voudrait dépoussiérer. Il y a l'appel du large, romantique, le quotidien des lycées maritimes, les femmes face à la pêche qui disparaît et des entreprises familiales. Mais il y a aussi la mer qui devient mauvaise, des opérations de sauvetage héroïques et la drogue qui sert parfois à calmer la peur. Alors pour commencer, les personnages. Un sauveteur, un préfet maritime, un chef de car, des hommes aux aguets, un commandant pilote d'hélicoptère, un plongeur, une infirmière qui cherche l'adrénaline et la mer, un ancien patron de ferry, un canotier mécano, un kinésithérapeute devenu médecin à Belle-Île, un jeune noyé et des bénévoles. Ensuite, le décor. Une simulation, 7700 sauvetages, des budgets troués, des appels radio, des exercices, l'abeille Liberté, la pointe de la Hague, des émetteurs, des canaux, des gilets de sauvetage, un décollage, un voilier naufragé, les mouettes et les goélands, du dévouement, du danger, la bêtise et l'imprudence, l'expédition catastrophique de Shackleton en Arctique, le scoutisme, des avions qui se percutent et des cadavres qui flottent. Aujourd'hui, troisième épisode, on entame la manœuvre. Main-mer de Zodiac. Sauveteur en mer, Arnaud Contreras, Guillaume Baldi. On a récupéré la victime, les plongeurs sont à bord du Zodiac. C'est Romain, il a 37 ans et il est à l'eau depuis pas mal de temps. Ouais, la victime est inconsciente, nous la mettons en PLS comme on peut et on fait route vers le bord. Est-ce qu'on peut à l'eau? Il va falloir de la main d'œuvre. Ouais. Attention pour lever. Et respire. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Respire. Si vous m'entendez, clignez des yeux, serrez-moi la main. Vous êtes toujours inconscient. Attends. Faut rentrer au chaud, les gars. Ouais. On passe à l'intérieur. En France, chaque année, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, la SNSM, porte secours à 7700 personnes. Ses membres sont en veille toute l'année, entièrement dévoués à leur mission, quitte à prendre des risques pour sauver des vies. Depuis quelques années, alors que le trafic maritime s'intensifie, on constate une diminution des budgets alloués au sauvetage en mer. Les stations se mobilisent comme elles peuvent, et beaucoup d'entre elles peinent à trouver les ressources nécessaires à l'entretien de ces bateaux, à la formation de ces membres. À leur côté, toute une chaîne d'hommes et de femmes sont également mobilisés. Des marins, des médecins, des pompiers, des équipages d'hélicoptères et d'avions de la marine nationale, des analystes de risque, des observateurs nichés dans des sémaphores. Nous embarquons à leur côté pour partager leur quotidien altruiste. Cross-Étal, les Belles-Meurs. Exercice terminé pour le Belles-Meurs, rentre au port. Également, bonne journée, bon car à vous et à la prochaine. Copie madame, and what is your ETA to Tarragona, please? Your ETA, over. ETA to Tarragona on 20th of March, late p.m. Okay, copy. What is your maximum draft and how many people on board? Over. Maximum draft 6.9 meters, 1-4, 14 crew members including master. Copy. Can you tell me what is your cargo and total weight? Over. Donc moi c'est Pascal, donc je suis responsable des opérations au Cross Jobourg. Le Cross, c'est le centre régional et opérationnel de surveillance et de sauvetage. C'est-à-dire qu'on est le point de contact des navires marchands qui se retrouveraient en situation de difficulté pour essayer de résoudre cette difficulté, quoi, hein, pour mettre en action les services de l'État à terre pour qu'ils puissent intervenir en mer, hein, sous forme d'évaluation, sous forme de contrôle. mais aussi sous forme de remorquage. Parce que depuis Lamoco-Cadiz, avec ce drame de Lamoco-Cadiz, il y a la possibilité au préfet maritime d'exercer une mise en demeure. C'est-à-dire une récupération du navire qui présente un danger pour les intérêts nationaux, avec le moyen qu'il choisit, que le préfet maritime choisit. Donc ici, pour cela, on a un gros remorqueur de haute mer, la Belle Liberté, qui, elle, peut aller donc sur ordre du préfet maritime, prendre en remorque un navire qui présenterait un danger. Et donc ici, c'est un travail d'abattage, la partie surveillance des navigations. Parce que le trafic, au final, il ne s'arrête jamais. Donc ils sont tout le temps là à contrôler les navires qui passent, à contrôler leur cargaison, à contrôler, à être attentif aux problèmes qu'ils pourraient avoir. Donc on est attentif un peu au son, au ton de la voix. Voilà. Et le fait d'être de nuit, en général, ils sont seuls. Mais les marins du commerce, même de jour, ils sont seuls. Parce que les équipages sont suffisamment réduits que s'ils veulent tenir dans la journée, ils peuvent pas. Tout le monde ne peut pas driver en même temps. Voilà. On est aussi attentif à la cinématique du bateau. S'il ralentit, s'il zigzague, s'il s'écarte de quelque chose, s'il s'écarte de la circulation normale, on va dire. Crochebourg, bonsoir. Oui, bonsoir le Cross, le Codis. Oui. Bon, on informe que Dragon est disponible. D'accord, je te remercie, bonne soirée, bon courage. Tard également. Donc ici, c'est la partie traitement des opérations de sauvetage. Et donc, je parle doucement, parce que la veille, c'est une veille auditive. Et donc, ils ont que deux oreilles et ils ont six émetteurs à veiller. Donc là, c'est l'importance d'avoir l'oreille attentive. Fait que souvent, une opération, comme cet après-midi, ne débute pas par une alerte franche et soudaine, mais par des échanges entre navigateurs. Et ces échanges entre navigateurs, ben, quand on prête l'oreille, on s'aperçoit qu'au final, on est face à une situation de détresse. Donc c'est un peu un travail d'enquête, vraiment un travail d'écoute, mais active. Donc voilà. Donc avant l'engagement d'un moyen dédié au sauvetage, on demande toujours s'il y a des gens sur zone qui peuvent porter assistance. Et de plus en plus, avec la démocratisation de la VHF, avant il y avait des obligations pour l'utilisation de la VHF, à avoir un diplôme. Maintenant on a dit tant pis, vous avez votre navire, vous avez passé un brevet, ben, très bien, vous avez le droit d'utiliser votre VHF. La VHF est en vente libre et donc aujourd'hui ce principe de solidarité remonte parce que les gens ont connaissance et on utilise cet outil qui s'appelle la VHF et ont connaissance d'une situation de détresse, grave ou moins grave, et se décident de même de porter assistance. Si on trouve rien sur zone, et ben là on décide d'engager des moyens dédiés. Et si le moyen est adapté. Donc je suis chef de car au Crochebourg et je suis David. Où est la mer? Où est-ce qu'on est en fait ici? Nous? Ah bah là, il va falloir revenir de jour. Non, on est plutôt bien positionné puisque à la pointe de la Hague, un petit peu en hauteur, on se retrouve avec une vue sur la mer, bien que notre mission première ne soit pas de surveiller la mer, mais on a quand même une vue qui se trouve assez dégagée quand on n'est pas dans la brume, avec une vision sur l'île d'Origny qui est juste en face. Vous avez Cerque et Guernesey qui se trouvent sur notre gauche. Là, vous pouvez voir l'usine de Flamanville tout éclairée. Et vous avez également Jersey qui se trouve ici, où on aperçoit toute la côte nord par beau temps. Et également les écrehoux qui sont visibles assez bien. Alors comme vous voyez, on a à notre disposition un certain nombre d'écrans qui nous permettent d'avoir toutes les informations nécessaires en un temps relativement court. Si je commence par ma droite, nous avons des écrans tactiles qui nous permettent d'utiliser nos émetteurs. Donc les émetteurs qui recouvrent toute notre zone en partant de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à Antifer. Donc des émetteurs sur la côte, mais également des émetteurs sur des roches éloignées comme les roches d'Ouvre. On garde la veille sur le canal 16 à partir de tous ces émetteurs. Donc tout ce qui s'y passe est veillé, enregistré. Et on répond si jamais on reçoit un appel ou si on voit qu'il y a une personne qui demande une assistance. Donc à nous de voir un peu ce qui se passe, quelle est la situation, et puis savoir si la personne a besoin d'une éventuelle assistance ou non. Donc vous avez pour ça également une rampe tout autour de nous avec différents haut-parleurs. Donc suivant la position du haut-parleur, on va savoir si l'appel vient de l'est de notre zone ou de l'ouest. On a plusieurs interfaces. On peut par exemple rentrer nos paramètres météo, nos moyens engagés, puisque notre rôle est de recevoir les appels de détresse et d'envoyer le meilleur moyen adapté à la demande. Ensuite, les autres écrans nous permettent de toujours en liaison avec notre outil de travail. On va pouvoir avoir la visualisation de tous nos moyens, ainsi que nos moyens indisponibles. On a besoin rapidement de savoir si on a une opération qui se trouve devant le Havre, que les moyens qui sont à proximité sont disponibles ou non, pour pouvoir tout de suite les engager. Ensuite, nous avons également on a la possibilité de faire un simple clic et ça va faire biper les téléphones d'alerte de l'équipage de la SNSM concernée. Donc eux ensuite vont rallier le bord, le patron du navire va nous rappeler pour connaître la nature de la mission, donc on va lui faire un premier briefing en lui donnant les éléments, il va se préparer à l'appareillage et il va pouvoir rallier cette position et puis porter assistance. Donc que ce soit pour la SNSM ou un moyen d'État ou la sécurité civile, les dragons ou également les pompiers. Donc si vous êtes amené du coup à aller à l'eau, donc là vous sautez à l'eau et vous avez une brassière qui vous est fournie. Et donc au niveau de la brassière, hop, ça se met un peu comme un gilet. Donc vous sautez à l'eau, vous gonflez ça, et après nous on s'occupe de vous, on a des canottes et tout se passera très bien. Donc voilà, c'est pour la partie sécu. Alors je suis lieutenant de vaisseau Philippe. Commandant de bord donc de l'hélicoptère Caïman, de la 33F Cherbourg, basé à Maupertu. Alors le sauvetage, quand on est militaire, on le choisit pas réellement. En fait, quelque part, c'est il nous choisit. Alors après, il faut être évidemment fanat pour faire ce genre de métier, mais ça fait partie, on va dire, d'un cursus de progression. Un pilote d'hélicoptère de la marine, en général, a une vie embarquée sur les bateaux. C'est la vocation première d'un pilote d'hélicoptère de la marine. Et ensuite, on se sert de son expérience embarquée, de sa connaissance du milieu maritime, pour venir assister des personnes qui seraient en difficulté au-dessus de l'eau. Eh bien, le secours en mer, tout particulièrement sur un site isolé, c'est une petite communauté qui se relaie tous les 15 jours. On fonctionne à deux équipes pour assurer une alerte H24 toute l'année. C'est une équipe qui se relaie tous les 15 jours et qui vit ensemble. La plupart d'entre nous viennent de la Bretagne, puisque le détachement qui est basé à Cherbourg est issu de la Bretagne. Et la plupart d'entre nous sont venus en ce qu'on appelle en célibataire géographique, c'est-à-dire que nos familles sont restées du côté de la Bretagne, à quelques exceptions près, et nous vivons tous ensemble au même endroit, donc dans les mêmes locaux. Donc on a les locaux où on vit, on mange, on dort, juste à côté du hangar où on met en œuvre l'hélicoptère pour faire notre métier. Donc c'est ça crée une proximité physique, évidemment, qui quand elle est quand elle est un peu sublimée, permet d'avoir une proximité dans le travail. Il y a de la communication non-verbale qui s'installe dans notre façon de dérouler les procédures, qui sont les mêmes que partout ailleurs, mais au final, il y a un commandant de bord qui va trancher si jamais il doit y avoir des doutes sur la façon de faire. Mais c'est bien le consensus de chacune des pièces qui compose l'équipage de la machine qui va permettre une bonne réalisation de la mission. Je suis maître principal, mon prénom Guy, mécanicien de bord dans l'aéronautique navale et certifié plongeur d'hélicoptère dans cette unité de la 33F Cherbourg, dans le Cotentin. Alors le plongeur vraiment dans ce métier-là, dans l'aéronautique navale, c'est quand même assez particulier. On se pose quelques questions momentanément. On va être treuillé sur le bâtiment. En furie de nuit, c'est pas toujours très simple. Donc on se pose des questions à ce moment-là, mais dans le feu de l'action, on récupère tous nos moyens, entre guillemets, et nos automatismes pour pouvoir réaliser au mieux ce sauvetage. Si vous aviez un souvenir de sauvetage à transmettre à un nouveau qui arrive, on va dire un sauvetage qui sort parmi tant d'autres, sur un voilier au large de la pointe de Bretagne. Un mois d'août qui a priori était un jour comme un autre, mais qui s'est transformé par une micro-tempête. Voilà, on est allé chercher à presque à 200 nautiques 4 adultes, un enfant et un petit chien. Voilà, je suis descendu, on a mis une heure de treuillage. Sauvetage compliqué, mais hors du commun en termes de fierté, de réussite pour l'intégralité de l'équipage. Ça a été une bataille d'une heure sur zone à extraire les personnes du voilier. Le voilier, c'est la pire des choses pour le sauvetage en mer. Le mât, grosse amplitude, des gens qui sont traumatisés en bas, donc pas forcément coopératifs. Et puis surtout, réussir à les enlever de cet enfer en bas. Comment est-ce que ça se passe avec la SNSM? Vous partagez aussi cette vie? On la partage malheureusement que lors des exercices. Alors ils sont d'une... Ils sont d'une ponctualité et d'une une facilité d'approche pour nous dans nos exercices, c'est qu'on peut toujours compter sur eux. Voilà, les gens de la SNSM sont des gens dévoués et sur qui on peut compter à tout moment. Si nous, on a besoin de s'entraîner pour X raisons, pour des qualifications particulières, ils répondent toujours présents pour nous. Et c'est bien là qu'on voit le dévouement de ces hommes de la mer. On a eu notre infirmière, Laurence. Laurence. Attends, parce que j'ai les bonbons et tout. Bon, voilà l'engin. SNS 096. Déjà, le numéro, c'est beaucoup. Ça permet de déterminer quel type de bateau auquel on a affaire. Les numéros en dessous de 100, c'est des canaux tout temps comme celui-là. Et on a des prérogatives un peu supérieures aux autres. Les autres, ce sont des vedettes après. Ça démarre de 100 après jusqu'à 200. Après, on a des vedettes de deuxième classe qui passent de 200. Et nous, c'est les canotons. Et c'est le seul du Morbihan. Le précédent, il est au Guilvinec, pratiquement, là-bas. Et le suivant, il est au Croisic. Il a quel âge ce bateau ? Celui-là a 17 ans. 2000 en fait. Bah, 18 ans cette année. Renan Leroux, patron titulaire du canot là, 60 ans. Et originaire d'une petite île en face là-bas, Watt. Et pour les besoins communautaires, je veux dire, je me suis marié à Belle-Île. Donc j'habite Belle-Île parce que mon épouse étant de Belle-Île, elle aurait eu plus de mal à venir s'installer à Watt. C'est quand même plus petit. C'est quoi ton domaine ? Moi, c'est la mer. Je commandais là-dessus, là, sur les traversiers. Sur les ferries qui font la liaison. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé dans le sauvetage ? L'amour de la mer, surtout avant tout, moi. Ça nous permet, maintenant je suis en retraite, donc ça nous permet de garder un contact avec la mer, d'une manière ou d'une autre. Et après, forcément, donner un coup de main aux gens qui sont en difficulté sur l'eau. Nous, étant déjà du milieu, on a des connaissances et puis on est à même de porter secours à des personnes en difficulté. Hein. Est-ce que c'est aussi la camaraderie, les copains ? Parce qu'on vous a vu hier soir. Quand c'est une équipe en fait. Sur un bateau, il y a un patron effectivement qui doit mener à bien une mission. Hein. En fait, on est missionnés nous. Pour assistance à personne en danger ou bien faire du transport sanitaire comme on peut faire ici. Il faut un mécanicien pour s'occuper de la partie technique. On ne peut pas tout surveiller non plus. Il faut des gens pour manœuvrer le bateau, enfin je veux dire manœuvrer, prendre les haussières, ainsi de suite, mettre des lance incendies en action éventuellement pour un incendie, mettre la petite annexe à l'eau pour aller faire la liaison entre un bateau qui est échoué à terre et le canot pour pouvoir le remorquer. Donc on est une équipe et il faut que ça fonctionne. Là toute l'équipe est là, on a même deux mécaniciens aujourd'hui. Vous êtes tous polyvalents sur le bateau ? On devrait être polyvalents, oui. Tous les gens ne sont pas du milieu maritime non plus, donc les gens vont faire des stages hein, dans les centres adaptés. Mais nous aussi, après, on doit entretenir l'équipage aux situations en faisant des exercices, qu'on doit faire assez régulièrement quand même. Et c'est ce qu'on va faire ce matin ? Un exercice ? Ouais, voilà. Bon, bah, on va faire un homme à la mer, voilà. Quelque chose de classique. Après, on mettra peut-être une lance incendie en route, là. Pour faire marcher le matériel. Le matériel, c'est pareil aussi. Il ne fonctionne pas tout le temps, à chaque sortie. Donc s'entraîner et puis avoir le matériel, toujours pareil. On oublie hein, à la fin. Je vais tout fermer ici, parce que ça va faire du bruit. Ah bah oui, mais... Eh ben, on va mettre en route. Alors, je m'appelle Laurence Lemoine, je suis infirmière sur le canot de sauvetage depuis 4 ans. Pourquoi est-ce que tu t'es engagée dans l'aventure de la SNSM ? Alors, à la base, on m'a dit qu'il leur manquait du personnel médical. Et puis, en arrivant sur Belle-Île, j'ai rencontré mon mari qui est marin-pêcheur. Donc, c'était un peu une évidence, quoi. Pourquoi une évidence ? Pourquoi une évidence ? Je sais pas, étant infirmière. Voilà, ici il n'y a pas tellement d'urgence. Moi je travaille pas aux urgences, je bosse avec des personnes handicapées. Mon ami étant tout le temps en mer, c'était ça ou les pompiers, voilà. Je peux concilier la mer et mon métier. Alors, d'un point de vue maritime, ça m'a permis de connaître tout ce qui est technique en mer, donc les nœuds, le vocabulaire maritime auquel je ne connaissais rien. D'un point de vue humain, ça m'a permis de découvrir des gens un peu bruts de découvrage au premier abord et qui sont... ont plutôt un très grand cœur et qui sont prêts à se mettre en danger pour aller aider les gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas spécialement de l'île. Ici, il y a beaucoup de va-et-vient, les bateaux qui viennent, qui repartent, des transats, des plaisanciers qui arrivent. Et plutôt une belle aventure humaine, quoi. Comment est-ce que ça se passe ? On peut t'appeler à n'importe quel moment ? N'importe quelle heure. Si je suis disponible, je viens. Si je ne suis pas disponible, on est... 3 ou 4 maintenant, 4 infirmiers je crois, 3 ou 4. Donc en fonction de celui qui est disponible, jour, nuit, on est disponible tout le temps, quoi. Et le fait qu'il y ait ce danger permanent, c'est quelque chose que tu as en tête ou... C'est ce qui fait aussi qu'on y est, hein, faut pas le cacher. Hein. L'adrénaline, enfin, on aime ça aussi. Hein. Les mecs qui sont en haute montagne, je pense qu'ils ont aussi besoin un peu de cette adrénaline. Alors oui, ils ont envie d'aller sauver des gens et tout, mais c'est aussi pour un peu... Voilà, on a aussi besoin de ça, ça fait partie du truc, quoi. Quel regard est-ce que tes proches ont sur ton engagement ? Ça dépend, alors il y en a plein qui trouvent ça super bien et tout, mais qui ne le feraient pas. Après, ça peut être un peu plus compliqué, maintenant que j'ai une vie de famille, c'est un peu plus compliqué, mais ils acceptent. Ils acceptent, ouais. C'est, de toute façon, c'est un choix personnel et j'ai envie de dire, on prend tout, on prend rien, quoi. Ça fait partie de la personne. Ton compagnon, il a quel regard sur ton engagement ? Ah bah lui, d'un côté, il est plutôt content, enfin, il comprend puisqu'il est marin-pêcheur. Il est confronté à nous appeler à la SNSM si jamais il y a un souci. Maintenant, le fait que je me mette en danger avec un nouveau-né, c'est un peu plus compliqué parfois, mais il accepte quand même. Oui, Kossa, bonjour, le 96, nous allons sortir pour une petite sortie à la mer de routine, hein, voilà, pour la matinée, là. Je vous rappelle à notre retour, on est quand même opérationnel pendant ce temps. Je crois, c'est tout bien pris, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, donc moi je suis Frédéric, le canotier à bord. Et après, on a vu que je suis plus mécano dans la vie. Du coup, on s'occupe de la partie mécanique du canot, quoi. Ouais, donc bah moi, je suis mécanicien dans la marine marchande. Donc, c'est ce que comprend tout l'entretien du bateau, quoi. Pas que la partie machine, comme on pourrait le croire, quoi. C'est tous les appareils du pont et tout ça, quoi. Tout l'entretien général des bateaux. Après, suivant la taille qu'on fait aussi dans la marine marchande des bateaux, on reste plutôt en machine, quoi. Mais comme ici, là, sur les petits bateaux qu'on travaille à Océane, là on fait un peu de tout, quoi. On fait l'entretien des appareils aussi, plus la partie mécanique des moteurs, quoi. Bah, pour la SNSM, ça fait que 3 ans, quoi. J'ai toujours voulu faire un peu de sauvetage, quoi. Et puis là, il y avait un de mes collègues qui était avant, que lui avait des problèmes de santé, donc il pouvait plus trop faire non plus d'intervention. Donc je suis allé à bord du canot, quoi. Ah bah faut faire quelques compromis des fois, quoi. Justement les loisirs, tout ça, on les supprime un peu, quoi. Faut choisir, quoi. Mais bon, là on a une application là, qui nous permet de se mettre soit en disponible ou indisponible, donc on est quand même assez libre, quoi. Quand on veut pas faire qu'on peut pas y aller, quoi. Donc là on se met indisponible et puis là on fait un peu nos loisirs, quoi. On essaye de trouver un compromis, quoi. Malgré qu'on s'est mis indisponible, mais bon, des fois, quand il manque un peu de monde, bah, ils nous appellent quand même, quoi, les patrons, pour voir si on peut y aller, quoi. Ouais, ça m'est arrivé 2 fois, ouais, de faire ça, ouais. Donc là, ça fait des grosses journées, quoi. Bah, d'humain, c'est plutôt dans la marine, donc on a toujours un esprit d'équipe, donc ça, on le retrouve aussi à la SNSM. Donc ça n'a pas trop changé, quoi. Après, c'est surtout la version sauvetage qui est différente, quoi. Ça va apporter un peu plus, quoi. On n'apporte pas la même chose dans la marine marchande que dans le sauvetage, quoi. Alors, je m'appelle Emmanuel Depoix, j'ai 41 ans. Je suis un jeune médecin parce que je suis diplômé depuis 3 ans. Avant d'être médecin, j'étais kinésithérapeute et je suis arrivé à Belle-Île. Ben, pour ma première installation, il y a 3 ans. Et je suis maintenant médecin, je ne sais pas comment dire, mais équipier de la équipier de la station de la SNSM de Belle-Île-en-Mer. Et je participe aux activités de sauvetage et puis d'entraînement également de la station et du canot. Ici, c'est une nécessité d'être prêt pour ce sauvetage parce qu'on a des situations sur lesquelles on est parfois en vrai péril. Alors quand je dis « on », c'est pas nous les canotiers, c'est les insulaires et puis les gens qui pratiquent les différentes activités de la mer. On n'est jamais dans quelque chose qui est prévisible, c'est-à-dire que gros temps ou petit temps, ça peut arriver. Souvent pour des raisons d'imprudence, ce qui est souvent un peu énervant aussi, parce que on récupère des catastrophes sur lesquelles on se dit que la bêtise humaine, parfois, elle a des conséquences lourdes. Moi, j'ai le souvenir d'une opération qu'on a fait l'été dernier, c'était le 14 juillet, et on est parti toute la journée pour une recherche de plongeurs entre Belle-Île et Dick. Un gars qui était un type de 24 ans qu'on a cherché pendant toute la journée, en fait, qui a plongé avec deux autres collègues et qui n'est pas remonté. Et ce type-là, on a fini par le retrouver, on l'a retrouvé au fond. Et en fait, c'était un type donc qui était jeune, qui avait plein de promesses de sa vie. Et nous, on a récupéré un gars qu'il a fallu confier à la morgue après. Et ça, c'est une réalité. C'est le genre de truc sur lequel on est engagé. Et on se dit, avec un encadrement qui aurait peut-être été plus aguerri, avec des gens peut-être mieux formés, avec des gens moins aventureux, on aurait probablement pas eu à amener cette situation douloureuse. On va juste dire bonjour. Le bateau, quoi. Ça va, Robert ? Ouais. Ça va ? C'est beau! Ouais! Il y a du poisson! On n'est pas traîné à trouver le bateau. Ah ouais, mais il fallait attendre que l'assurance soit d'accord. Ah ouais. Il fallait trouver le motif de l'incendie. Bah, la raison. Il va nous donner une godaille. Non, c'est une mulet, j'en veux pas. J'ai eu plein l'autre jour. Big Melon, il s'appelle? Non, il s'appelle Big Melon? Oui! Un museau jaune. T'as un beau blouson, Robert ? T'es dépêché ? Y'a rien ? L'eau est claire, peut-être ? Il est où, ton canot ? Il est dans pleine prate, moi. Bon, après, ce temps-là, j'aime pas aller en mer. Y'a rien à pêcher. Il y avait un bateau là-bas. Il y avait un voilier hier dans le port. Ah d'accord. Même le catamaran là, c'est pas de chez nous. Les gens ne savent pas toujours qui nous sommes, hein, en fait. Dans le domaine maritime, déjà, tout le monde ne sait pas. L'équipage, on est bénévole, donc ça coûte moins cher, forcément. À différence des pompiers hein, qui sont eux volontaires, rémunérés. Nous, on est bénévoles sans rémunération. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que les gens qu'on retrouve à bord, là, c'est des gens qui sont volontaires. Enfin, j'emploie le terme volontaire à défaut, là. Ils sont bénévoles, donc ils viennent de leur plein gré. Mais ils sont contents d'être là. Ils sont pas obligés. On va faire un petit coucou au voilier là-bas. A évolué, c'est vrai, parce que des marins, il y en a de moins en moins, et tous les marins ne veulent pas non plus venir à la SNSM. Pourquoi ? J'en sais rien. Notamment les pêcheurs. Ben, ici à Belle-Île, toujours, on n'en a pas beaucoup. La meilleure main-d'œuvre, là, si je peux m'exprimer ainsi, ce sont des gens de la compagnie Océane, là, sur les ferries qui vont la traverser entre Quiberon et Belle-Île. Et la plupart des gens, ils sont à la SNSM, là, qui viennent de la marine marchande, hein. c'est déjà des gens de la marine marchande, plus que des gens de la pêche. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et les gens maintenant ne sont pas nés marins. Nous, on est nés marins, surtout moi. Je suis mauvais exemple. J'habite dans une petite île, mon père était pêcheur, son père était pêcheur, c'est de père en fils. Et on est nés sur une île, les pieds dans l'eau. J'avais ça dans le sang, c'était évident. Mais il y a des gens maintenant qu'on voit arriver là sur les ferries, ils ont déjà eu un métier avant. Parce qu'il paraît que c'est ça, mais dans l'évolution. C'est que les gens ont plusieurs métiers dans leur vie. Et à un moment, ils s'intéressent à la marine. Voilà. Et après, ben, tout le monde peut se former n'importe quel âge, hein. C'est pas un souci ça non plus. Donc une équipe, c'est compétence de tout le monde. Quelle que soit l'origine, je pense. Alors c'est peut-être dans l'essence du médecin d'être dans le secours également. Moi, je suis rien venu chercher. En fait, j'y suis tombé par accident. En réalité, c'est une aventure super. C'est une camaraderie géniale avec les équipiers. C'est une super camaraderie. Et surtout, ça nous fait des liens, on se reconnaît en dehors de nos activités de la SNSM et on se voit avec plaisir. On a chacun une reconnaissance des uns et des autres pour ce qu'ils sont. Moi, quand je suis pas du tout marin, pour ainsi dire, j'avais quasiment jamais embarqué auparavant et je suis pas forcément très très à l'aise en mer, mais quand je monte avec eux je suis en confiance. Je sais que le capitaine le patron c'est un gars qui est chevronné et je lui fais confiance pour ce qu'il est et je perçois de eux vers moi la même confiance et je pense que là-dedans on est chacun à notre place. Moi j'ai comme héros de quand j'étais gamin, un type qui s'appelle Ernest Shackleton, qui était probablement le pire marin de la Navy britannique, qui est un type qui a fait la conquête de l'Antarctique. Et en fait, son expédition a été une catastrophe. Le bateau a été pris dans les glaces. Et il avait recruté, avant de partir, l'élite, c'était pas des mercenaires, les gars, chacun était spécialiste de son domaine. Et il a eu de cesse de ramener ses 30 gars. Alors, ils n'étaient pas 30, je ne sais plus combien, quel était leur nombre exact. Il en a perdu un de maladie, mais cette expédition qui a été un naufrage, en fait, c'était une réussite parce que justement, chacun était à sa place et même dans les difficultés, ils ont pu compter les uns sur les autres. Et je ne sais pas si c'est un héritage dont se reconnaissent mes autres collègues, mais en tout cas, moi, je les reconnais comme ça. Moi, j'ai grandi dans le scoutisme j'ai gardé deux maximes du scoutisme qui étaient tout en tout terrain tout près, et ça je le reconnais ici parce que tout temps on sait pourquoi, tout terrain on est sur mer et c'est pas forcément là qu'on est le plus, enfin que je suis le plus à l'aise, et tout près parce que de jour comme de nuit il faut être prêt à lâcher ce qu'on fait pour y aller. Voilà. Et puis la deuxième chose, la deuxième maxime dont je revendique l'héritage, c'est aussi un truc du scoutisme, ce qu'ils appellent la communion à la joie et à la peine des hommes. Et c'est le fait que ici, on est dans les petites et dans les grandes histoires des gens, et on est dans leur joie, on est dans leur chagrin, on fait naître, alors pas de façon fréquente, mais ça arrive les enfants, on accompagne les personnes qui meurent, et puis on les accompagne y compris dans les évacuations sanitaires, dans des moments où elles sont justement à des instants critiques de leur existence. Et ça j'y pense souvent, ouais. La communion à la joie et à la peine des hommes. C'est la maxime à moi. 90 là. 90. On va arriver à l'autre bout de l'île, au Poulain. Dans un endroit où c'est souvent agité quand même, quand il fait mauvais. Et j'étais avec mon frère, j'habitais encore Wade à cette époque-là. Et on est parti, il y a eu un événement là, qui s'est passé dans la baie de Quiberon, c'est l'ancien paquebot France, qui s'appelait le Norway après, qui est venu en visite là dans la baie. Donc ça a généré un peu de mouvement autour, forcément. Tout le monde était moitié excité de le voir arriver en baie de Quiberon et d'aller le voir. C'est après, on pensait bien qu'il n'allait plus naviguer, ce bateau-là. Et ce jour-là, personne n'a pris l'importance de l'événement, on va dire. Ça n'a pas été canalisé, quoi. Au niveau de la situation sur l'eau, bah, les gens appelaient dans tous les sens. Les gens tournaient autour dans un sens, les autres dans l'autre. Il se passait la même chose dans les airs. Il y a un petit avion qui est venu sur place voir le bateau en survolant. Il y a un avion de ligne qui s'est dérouté un peu, venir voir ce qui se passait aussi, et les deux sont rentrés dedans. Plouf. Moi, j'étais donc avec mon frère, on avait d'autres gens à bord, et notamment des enfants qui venaient voir le Larouet, c'était quand même prestigieux, quoi. Et le CROSSA, qui est l'organisme quand même qui nous fait nous déplacer sur l'intervention, a dit à tous les gens qui étaient là, enfin tous les bateaux qui étaient sur place, de se rendre sur zone pour essayer de sauver des gens, quoi. Et nous, quand on est partis, on se dit, on va sauver des gens. Bah, la première chose qu'on a trouvée, c'est un petit bébé qui était mort, forcément. Et quand on est arrivé tout près, on croyait que c'était un petit jouet, quoi. Mais il avait quelques mois. Il était à l'envers, il avait encore sa couche. Après, on a trouvé un pilote qui était encore accroché à son siège. Et c'est tout ce qu'on a trouvé. Et en plus, on arrive dans une ambiance de kérosène qui est assez prenante, quand même, hein. La mer est toute lisse et ça sent, on dit, quelqu'un fume, ça peut déclencher une explosion, on n'en sait rien. Et c'est de voir le petit gamin, bon, nous on l'a pas embarqué, il y a un Zodiac qui est arrivé à côté avec une famille, ils l'ont embarqué, alors ça criait dedans forcément, parce qu'ils auraient mieux fait pas y toucher, quoi. Mais ils ont voulu bien faire comme. Après on recherche des corps. Voilà, il y a eu 15 morts sur ce coup-là. Et nous, c'est vrai, sur ce coup-là, c'est quand même. Ça porte un coup, quoi. Quelques temps après, pour notre formation, nous, au niveau des capitaines, on avait un stage gestion de crise à bord des bateaux. Et à un moment, notre instructrice qui était là, nous a demandé si on n'avait pas eu des événements. Et je lui avais parlé de ça, parce que c'est vrai que ça m'avait marqué, sans avoir eu affaire après un psy pour débriefer, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça, quoi. Quand on part, on va sauver des gens, on ne va pas les amener à la mort. Voilà. On va faire un essai avec la lance incendie qu'on a marre sur la bataille gueule et on va faire un essai, voilà, simplement. Quelquefois on fait des exercices, même quand il y a eu des feux dans les bateaux, on refroidit au moins la coque, quoi, parce que après c'est compliqué d'être un bateau, mais au moins pour refroidir la coque, on nous demande souvent de faire ça. Enfin, c'est en pleine mer. En pleine mer, ouais. Donc là on est dans le port en fait, et c'est juste un exercice. C'est un exercice, on va faire un exercice dans le port, ouais, voilà. Pour voir si, déjà comme a dit le patron tout à l'heure, on fait des essais de temps en temps pour voir si le matériel fonctionne au moment où on a vraiment besoin, quoi, ouais, c'est ça. Ah, ça s'appelle, c'est une pompe attelée. C'est entraîné par courroie sur le moteur. Sinon, on a une pompe autonome, hein, portative, qui permet d'aller sous les autres bateaux pour l'incendie ou l'assèchement. C'est une pompe polyvalente. Elle pompe l'eau du bateau pour pas être dans la mer ou pomper l'eau de la mer pour aller dans le bateau pour arroser. Je m'appelle Jean-Luc Guenec, je suis à Belle-Île depuis 1973 parce que je suis pas bellillois de souche. Donc je suis installé à Belle-Île depuis 1973. J'ai fondé une famille, j'ai des enfants. Je suis en retraite depuis 2 ans. J'étais le responsable de la restauration de l'hôpital Yves Blanco à Belle-Île-en-Mer, parce qu'à Belle-Île, il y a un hôpital, plus grand employeur de Belle-Île. Voilà. Je me suis beaucoup investi dans le monde associatif depuis que je suis à Belle-Île, notamment à la SNSM, depuis 1999. Est-ce qu'il y a certaines interventions qui vous ont plus marqué que d'autres? Ah oui, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Hein. Depuis 99, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Hein. Retrouver des membres dans un ciré, remonter des jeunes noyés, oui, ça marque. Hein. J'y pense pas souvent, mais j'y pense. Ouais. Je pense aux familles, pense à même quelquefois quand je vois des noyés qu'on a remontés sur le pont du bateau, qu'on dépose sur le bateau, ça fait drôle quoi. Ouais, ça fait drôle. Ça j'y pense. Ouais. Est-ce qu'il y a un côté de thérapie de groupe après un accident ou après une intervention? Est-ce que... Alors, y a pas. Il y a eu, c'est pas vieux, hein, c'était au mois de juillet, pour un noyé, là, on a eu un coup de fil deux jours après d'un médecin qui nous a demandé si on avait besoin de parler ou de... Si on avait un ressenti un peu difficile après l'intervention du noyé qu'on avait remonté, là, donc... Enfin, moi, je sais que mon cas, j'ai pas eu besoin, mais il y a peut-être les autres, je sais pas, on en a pas trop parlé, je sais pas. Est-ce que le fait d'être en groupe, ça aide à dépasser ces événements? Ah bah oui, hein, de toute façon, en plus je pense qu'on est tous là à peu près, tous les gens qui sont à bord de ce canot, on est tous là un peu pour la même mission, donc on est solidaires les uns des autres et ça aide, bien sûr que ça aide, bien sûr. Est-ce que vous avez vu des cas de confrères, consoeurs qui ont arrêté le sauvetage à la suite d'une intervention parce que c'était trop dur à intégrer? Non, j'ai pas vu des gens qui ont arrêté. J'en ai pas vu, mais j'en ai vu qui n'ont pas pu sur le canot, qui se sont un peu mis en retrait parce qu'ils n'arrivaient pas à intervenir sur des situations. Ça, j'ai vu, oui. Ils restaient à l'intérieur ou assis parce qu'ils ne pouvaient pas intervenir par rapport à la personne qu'on avait récupérée ou par rapport à l'accident. Ça, j'ai vu, oui. Tous les personnes qu'on a sauvées, c'est les gens qu'on connaît, du milieu marin. Presque toutes, on les connaît, ouais. Et on connaît la famille, on fait, comme je disais hier, on fait nos courses ensemble après avec la famille, ça nous rappelle quelquefois des moments difficiles, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais, voilà, comme je vois, il y a des gens pour des impératifs après, là. Bon. Rentrer dans leur domicile respectif. Toi, Laurence? Un bébé à nourrir. Et tu reviens après? Si tu veux. Bateau, c'est quelque chose, vous pensez à ce bateau, c'est quelque chose qui est présent au quotidien dans votre vie? Alors vous avez vu l'emplacement du bateau dans le port de Palais, hein, donc la plupart des gens de Belle-Île, hein, pas que de Palais, mais la plupart des gens de Belle-Île, quand ils descendent en voiture à Palais, ils font le tour du quai, et qu'est-ce qu'on remarque dans le port de Palais? Tout le temps, tout le monde regarde si le canot sauvetage est là, toute la population qui fait le tour du quai, le canot est parti, le canot est là, après les gens se renseignent, oui, c'est un point important pour nous, le canot sauveteur dans le port de Palais, oui, c'est sûr. Moi, quand je le vois pas là, je me dis, bah, ils sont partis sauver quelqu'un, ou en plus, comme j'en fais partie, j'essaie de savoir où ils sont partis, ou quelquefois même de les appeler s'ils ont besoin de quelque chose, voilà, donc pour moi, c'est... Alors, je m'appelle Julien, j'ai 35 ans, et ça fait... 7 ans que je suis à la station SNSM de Belle-Île, en tant que mécanicien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je suis mécanicien sur les rouliers qui font la liaison entre Belle-Île et Quiberon. J'ai toujours vécu en bord de mer, j'ai toujours vu les bateaux orange à proximité, et je m'étais dit, ben voilà, le jour où je suis fixé dans un endroit et s'il y a une station à proximité, je porterai ma candidature, et donc voilà. Je pense que les plaisanciers, enfin certains plaisanciers, il y en a qui connaissent très bien notre système. D'autres, c'est surtout au niveau de notre financement en fait. Hein. Les stations ne vivent que de dons et de subventions. Et ça, je pense que dans l'esprit des gens, c'est pas gagné quoi. On dépend pas de l'État, on n'a pas un budget annuel de fonctionnement énorme. Et ben voilà, maintenant je pense que... Enfin, le président national avait dit, hein, si chaque plaisancier donnait 10 euros dans l'année, la SNSM nationale serait sauvée pour plusieurs années. Je pense que c'est important, effectivement, aux plaisanciers de donner un petit peu, quoi. C'est pas... voilà, 10 euros, 15 euros, c'est déjà beaucoup pour nous, quoi. Ça permet de faire avancer les choses et de moderniser nos engins de sauvetage, nos équipements. Enfin, je pense que c'est important. Ça occupe une grosse partie de votre activité de récolter de l'argent ? Bah, mine de rien, ouais, c'est au moins 50% du temps, quoi, qu'on met à récolter de l'argent, quoi. Par rapport aux interventions, ouais, c'est à peu près 50% aussi. Bah, pour moi, ouais, ça serait, je préfère mettre les 50% que j'ai du temps à chercher de l'argent et le mettre dans le canot. Ouais. Après, pour la vie de famille, tout ça, ça serait plus facile. Et puis, bah, au moins avoir un canot qui soit propre, quoi. Ça m'énerve, non, parce que moi, bah, c'est pas trop pour ça que je veux m'engager dans la SNSM, quoi. C'est pas pour chercher de l'argent, quoi. Donc c'est plus pour passer du temps, pour faire des interventions, quoi. Donc s'il pouvait y avoir quelqu'un d'autre qui fasse ça à ma place, ça serait mieux, ouais, c'est sûr. Et donc bah, ces sous-là, bah, c'est nous qui allons les chercher, quoi. Après, bon, il y a les mairies qui donnent des subventions, mais ça suffit pas, quoi. Pas assez de moyens, c'est que bah, il nous faut du gasoil, donc bah, ça, le gasoil, faut bien le payer. Donc si on veut faire des interventions, bah, faut bien avoir des sous, quoi. Et quand on y va, nous, notre façon d'être, c'est, ou d'y aller, c'est de secourir les gens. Donc de les aider, pas de les ramener morts à terre, quoi. Mais il y a des limites aussi, quoi. Faut pas non plus se mettre en danger, quoi. Il y a des situations où il faut sacrifier, en fait, les naufragés, en limite. Pour pas qu'on se mette en suraccident. En engageant du personnel du bord, hein. On sait que les gens, on aura du mal à intervenir. C'est comme ça. On a eu le cas là sur une personne qui est tombée à la mer, hein, de terre, avec un paquet de mer. Il faisait très mauvais et elle a voulu faire des photos près de l'eau. Ouais. Et elle est partie. Elle est tombée. Elle est tombée à l'eau. Et on nous a demandé d'aller chercher, il faisait très mauvais jour. Hein. Je sais pas si les gens. Laurence était là. Et. T'étais là, Jules ? À Vincennes ? Ouais. Et l'hélicoptère était déjà arrivé avant nous. Et j'entendais le pilote qui disait déjà au Crossin : si on voit la personne à l'eau, elle était morte, hein, visiblement. On l'a pas vue, nous, mais vu le temps qu'elle était déjà passée à l'eau, les chances qu'on la récupérait est morte. Et le pilote d'hélicoptère dit, si je la vois à l'eau, je descends pas mon plongeur. C'est trop risqué. Donc nous, on est un peu plus au large, on n'y serait pas allé non plus. C'est toujours bien de récupérer un corps aussi, hein, pour la famille, et ainsi de suite. Mais faut pas se mettre en danger non plus. Faut pas faire un suraccident. Nous, on est vivants, ça sert à rien de créer une situation dangereuse. Et c'est aussi mon rôle, hein, de revenir avec un équipage entier et en bon état. Avec par ordre d'apparition l'équipage de la station SNSM du Guilvinec, le personnel du CROSS Jobourg, l'équipage de l'hélicoptère Caïmont Marine de la 33F Maupertu, l'équipage de la station SNSM de Belle-Île-en-Mer. Merci à la Société nationale de sauvetage en mer et en particulier aux membres des stations SNSM de Belle-Île-en-Mer et du Guilvinec, à la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Merci à Serge Calca, merci aux amiraux Jean-François Combe, Robert Grusse-Dagneau, Pierre Contreras et Jean-Marie Donas. Merci à toute la communauté du sauvetage en mer. Sauveteur en mer, mixage Jean-Michel Coqui, réalisation Guillaume Baldi, un documentaire d'Arnaud Contreras pour la série documentaire France Culture.